Chapitre 10e. Les nourrices se partagent en deux grandes catégories, celles qui se fâchent quand on s'occupe trop de leur enfant et celles qui se fâchent quand on ne s'en occupe pas assez. La nourrice choisie par Madame Dalifard appartenait à cette seconde catégorie qui, on doit le dire, est de beaucoup la plus nombreuse. C'était une excellente bête à lait que Françoise Bonnotte. Pour manger du matin au soir, pour digérer avec tranquillité, pour ne prendre souci de rien, pour donner à son enfant un sein ferme et toujours plein, elle était merveilleuse. Mais il ne fallait rien lui demander en dehors de ses fonctions, qu'elle accomplissait avec une placidité véritablement animale. Aussi ne trouva-t-elle pas mauvais que Juliette lui prît à chaque instant son enfant des bras. Cela la soulageait d'autant et la reposait. « Payez-vous-en le plaisir, madame, » disait-elle avec un sourire qui découvrait ses dents blanches comme l'ivoire et solides à broyer du fer. Puis, avec ses camarades, en se promenant autour du lac des Minimes ou aux Tuileries, elle se moquait de sa maîtresse. « Les gens de Paris sont assez bêtes avec leurs enfants, » dit-elle, « mais celle-là est encore la plus bête des bêtes. Si je vous racontais toutes ses inventions avec son petit, ça vous ferait pitié. On ne trouverait pas une nourrice à 100 francs par mois pour se donner le mal qu'elle prend, jusqu'à venir des 4 ou 5 fois par nuit, voir s'il dort. « Eh bien oui, il dort, » que je lui dis. « Mais vous, vous m'empêchez de dormir. Allez-vous-en et ne revenez pas, ça me dérange. » Et elle s'en va. C'est elle qui me fait bien souvent ma chambre et qui, tous les matins, me lave mes éponges. Je lui fais laver aussi les bas du petit parce que la laine, ça m'écorche les mains. Si bête que Juliette fût avec son enfant, elle ne l'était pas encore au point qu'elle aurait désiré, car son influence ne pouvait s'exercer que dans les petites choses et d'une façon détournée. Pour les grandes, c'était sa belle-mère qui ordonnait. Bien que le petit Félix fût ce qu'on appelle un bel enfant, c'est-à-dire bien bâti et bien constitué, gros, joufflu et rose, il n'échappa pas aux maladies et aux indispositions de son âge. La première fois que Juliette le vit malade pour avoir tété trop gloutonnement et s'être donné une indigestion, elle voulut venir à son secours en attendant l'arrivée du médecin. Et pendant que la nourrice pleurait en pensant que c'était bien malheureux de perdre, au 45e jour de nourriture, un enfant qu'on devait allaiter durant 15 ou 18 mois, Juliette s'était ingéniée à chercher dans sa maternité affolée quelques moyens de soulagement, de l'eau sucrée et des cataplasmes. Mais au moment où elle allait introduire dans la bouche de l'enfant qui se tordait sur ses genoux quelques gouttes d'eau sucrée, Madame Dalifard était survenue et brusquement, elle avait jeté dans le feu le breuvage préparé. « Vous voulez donc le tuer ? » avait-elle dit. « Êtes-vous folle, nourrice, de vous laisser prendre votre enfant pour le droguer ?»« À 45 jours, » avait pleuré la nourrice, « un si bel enfant, une si bonne maison. Oh, oh, oh, ce n'est pas moi, c'est madame. » Faut-il le laisser souffrir en attendant le médecin ? S'était écriée Juliette. « Souffrir n'est rien, mourir est tout. Vous ne vous connaissez pas à soigner les enfants, n'est-ce pas ? Où avez-vous appris qu'il fallait donner de l'eau à un enfant qui a des coliques ? Ce n'est pas à regarder Raphaël, laissez-moi tranquille. » La querelle, en quelques secondes, était partie comme une explosion. Madame Dalifard avait été chercher son fils, qui, naturellement, intervenant malgré lui dans la discussion, avait donné raison à sa mère. « Écoutons, maman, elle a l'expérience, Juliette, je t'en prie. » Mais Juliette, toujours résignée jusque-là, s'était révoltée avec le courage et le désespoir de la femelle qui défend son petit. « Tous deux, sortez d'ici » s'était-elle écriée en serrant son enfant dans ses bras. « Laissez-moi, laissez-moi avec lui. Je vous écoute depuis trop longtemps. Pour moi, je veux bien subir votre despotisme. » Elle s'était tournée vers sa belle-mère. « La faiblesse ?» Elle s'était adressée à son mari. « Mais pour lui, je ne courberai pas sous votre volonté. Allez chercher votre médecin. Remuez-vous. » Mais en attendant qu'il arrive, laissez-moi soulager mon enfant. Nourrice de l'eau chaude. Sortez, mais sortez donc !» Et elle les avait poussés vers la porte, qu'elle avait fermée au verrou, pour ne la rouvrir que devant le médecin. Incapable de louvoyer entre deux influences jalouses et de ménager l'une et l'autre, le docteur Clos avait conseillé l'eau sucrée et par là donné raison à Juliette. Les deux femmes n'avaient rien dit lorsque, le docteur parti, elles s'étaient trouvées en face l'une de l'autre, mais elles avaient échangé un court regard, plus éloquent que les paroles les plus décisives. Avec une femme moins persévérante que Madame d'Alifard, cette scène et ce regard eussent suffi pour modifier les relations de la belle-mère et de la belle-fille, et ce fut même ce que Juliette espéra. Au moins, se dit-elle, en faisant son examen de conscience à propos de cette scène et de son emportement, au moins j'aurai mon enfant. Mais elle ne l'eut pas plus après qu'elle ne l'avait eu avant. Après, comme avant, Madame d'Alifard continua d'intervenir à tout propos, et souvent hors de propos, entre la mère et l'enfant. Il était impossible, en effet, qu'on fît quelque chose autour d'elle sans qu'elle y mît la main, donnât un conseil, demandât des explications. C'était un besoin de sa nature et une habitude que rien ne pouvait modifier. Commis, gens d'affaires, famille, tous ceux qui l'entouraient devaient subir son autorité. Et comme elle avait presque toujours réussi dans ce qu'elle avait entrepris, elle avait la superbe assurance que donne le succès. C'était de la meilleure foi du monde qu'elle croyait à son infaillibilité. Il suffisait qu'elle eût dit une chose pour qu'aussitôt ses paroles eussent force de loi. Elle avait établi comme règle qu'on devait lui porter son petit-fils avant de le mener à la promenade, et dans son bureau, qu'elle eût ou n'eût point d'affaires à traiter, qu'elle fût seule ou avec des clients, elle lui faisait subir une espèce d'examen. Pourquoi ne lui avez-vous pas mis des bas de laine ? C'est madame qui m'a dit de lui mettre des chaussettes. Juliette se présentait alors pour expliquer les raisons qui lui avaient fait préférer les chaussettes aux bas. J'ai consulté le thermomètre, il marque 16 degrés à l'ombre. J'ai regardé le baromètre, il est au beau fixe. Félix aurait eu trop chaud. Autrefois, il était reconnu de tout le monde que les enfants n'avaient jamais trop chaud. Cependant, « Ah, moi, je n'ai pas besoin de consulter le baromètre, le thermomètre et toutes vos machines pour savoir quel temps il fera. Je vous affirme que le temps va changer et se mettre au frais. Ces choses-là se sentent sans mécanique. Maintenant, si vous voulez prendre la responsabilité de sortir votre enfant tel que vous l'avez habillé, c'est bien, prenez-la. Seulement, s'il gagne froid et devient malade, n'accusez personne que vous, vous êtes averti. » Juliette remontait à son appartement et remplaçait les chaussettes par des bas. Puis le lendemain, elle remplaçait les bas par les chaussettes, ou bien elle avait à supporter des observations d'un autre genre, car le costume de l'enfant n'appartenait pas seul à la critique de Madame d'Alifard. Cette critique s'exerçait sur tout et à propos de tout. Enfin, l'enfant grandit assez pour qu'on pût congédier la nourrice, et Juliette espéra qu'elle allait avoir son fils. Pour mieux assurer son pouvoir, elle choisit elle-même une bonne Anglaise, qui, ne comprenant pas un mot de français, ne devait pas subir l'influence de Madame d'Alifard. Et pendant quelque temps, en effet, elle eut son fils à elle, mais ce tranquille bonheur ne dura pas longtemps. Madame d'Alifard, qui jusque-là avait joui d'une santé de fer, se trouva malade. Le docteur Clos constata une péricardite, et comme il était logique dans son système, il ordonna le séjour à la campagne. Arracher Madame d'Alifard à sa maison de commerce et la retenir à la campagne dans l'isolement, c'était la condamner à la mort. Elle ne consentit à cet arrangement qu'à une condition, elle viendrait à Paris tous les jours passer une heure à son bureau et on lui donnerait son petit-fils à nos gens. Après de longues discussions, Juliette céda, espérant que son sacrifice ne serait pas trop long et que sa belle-mère reviendrait bientôt habiter Paris, ou bien qu'elle pourrait elle-même habiter nos gens. Mais ni l'une ni l'autre de ses espérances ne se réalisa. Madame d'Alifard resta à nos gens avec son petit-fils, et elle-même resta à Paris avec son mari, voyant son enfant une heure seulement par jour et le dimanche toute la journée. Alors qu'elle avait été forcée de subir la nourrice, elle s'était dit, pour se consoler, qu'elle aurait au moins la joie de pouvoir former l'esprit de son enfant en lui donnant doucement, avec la patience et la tendresse d'une mère, les premières notions de ce qu'il devrait apprendre un jour. Mais cette joie aussi lui échappa. Madame d'Alifard, qui n'avait rien à faire à nos gens, voulut apprendre à lire à l'enfant, et un jour, pour montrer les progrès de son élève et le faire briller devant son père, elle lui demanda d'épeler un mot. « Le premier mot venu, » dit-elle, en prenant l'enfant sur ses genoux, « écoute bien, mon petit Félix. » Pendule, comment cela fait-il ? Pendule, dit l'enfant. Cette leçon, dont Madame d'Alifard triomphait, fut un puissant argument aux mains de Juliette pour obtenir de son mari que cet enseignement ne continua pas. Pouvait-on permettre que l'enfant apprît une orthographe de ce genre ? Adolphe fut bien embarrassé pour faire cette communication à sa mère, mais enfin, poussé par sa femme et par sa propre conscience, il finit par la risquer tant bien que mal et avec tous les ménagements possibles. Madame d'Alifard ne se fâcha point, et sans répliquer, elle prit l'engagement de ne plus faire travailler l'enfant. Juliette, une fois encore, crut qu'elle avait triomphé et qu'elle allait reprendre son fils. Mais à quelques mois de là, Madame Lélis, qui en ce moment habitait Nogent, lui apprit en grand mystère qu'il se passait quelque chose d'étrange chez Madame d'Alifard. Tous les matins, elle recevait la visite d'un monsieur qui s'enfermait avec elle pendant 2 heures, de 9 à 11. Jamais plus, jamais moins. Ce monsieur venait de Paris. C'était un homme d'environ 50 ans, à l'air grave et digne. Que pouvait-il se passer chez Madame d'Alifard pendant ces 2 heures? Quel était ce monsieur? Un prétendant, peut-être. Si Madame d'Alifard voulait se remarier, voilà qui serait curieux. Juliette n'avait pas pris ce récit au sérieux. Sa belle-mère se remariait. Cependant, il y avait un fait certain qui lui avait été confirmé de différents côtés, c'était l'arrivée régulière de ce monsieur. Enfin, un matin qu'elle était venue à Nogent pendant que sa belle-mère et ce monsieur étaient enfermés, et qu'elle avait été s'asseoir avec son fils sous une charmille du jardin, elle entendit par hasard un lambeau de conversation qui lui expliqua ce mystère. Ainsi, madame, disait le monsieur en s'adressant à Madame d'Alifard, vous voudrez bien m'apprendre pour demain les règles des adjectifs. Les adjectifs terminés par un nœud muet ne changent pas de terminaison au féminin. Les adjectifs terminés par une consonne ou par une voyelle autre que le E muet servent pour le genre masculin. Pénétrez-vous bien des exceptions. Voilà pour la grammaire française. Pour la lecture des auteurs anciens, vous lirez dans le 2e livre de l'Énéide, à partir du 505e vers, « Forcillan et priami fuerint quae fata requiras », c'est-à-dire dans votre traduction, mais peut-être voulez-vous savoir comment Priam acheva sa destinée. Ce monsieur était un professeur, et à 60 ans, Madame d'Alifard refaisait son éducation. Jusque-là, elle n'avait guère appris que ce que les drames historiques lui avaient révélé, Espérance et Henri IV, Coconas et la reine Margot. Maintenant, pour être en état d'instruire son petit-fils, elle commençait ses classes comme une écolière de 12 ans, et à la grammaire, elle joignait l'étude des auteurs latins.